Ok. À tous nos enfants isolés, fils d'une patrie déchirée, c'est sûr que l'étendard sanglant va s'élever. Ils nous mutilent pour des petits vols ou une manière de penser. Ils nous punissent, car malgré la pauvreté, on compte très peu divorcer. On veut s'amortir dans la politique avec humour à Patson. On veut vivre nos délires avant que notre heure sonne. Marchons, marchons, sans nous arrêter, car si l'Afrique est attardée, l'Africain lui est déterminé. Pour reprendre les rênes que tu lui as arrachées, pour effacer sa peine, t'as rien trouvé de mieux que de le mettre près d'une peine à ordure. C'est là, c'est pour les frères qu'on torture dans tes commissariats. C'est là, c'est pour celui qui n'en sortira pas. Que ton sang impur abreuve mes sillons, c'est nos mères et leurs courbatures que l'on porte en triomphe. Son, c'est pour les derniers de la classe, celui sur qui tu peux lire mode fuck quand tu regardes sa face. Celui qui même en temps de crise a su sauvegarder sa place. Venez donc chez moi, car sur le terre-terre on licencie pas. Que Marianne nous vaut grand la bouche pour se déléter que ma sève. C'est aux portes de l'enfer que mon rap t'emmène. Que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. Relève donc que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. Chante la Marseillaise. Y'a des gouttes de sang royal séché sur mes vêtements. Les cris des hyènes résonnent près du volcan, des grognements. Racaille de la patrie, on se rend plus sur nous-mêmes, c'est ça l'instant de survie. Féroce soldat, on viendra jusqu'où t'en vaudra égorger vos fils, vos semblables. C'est qui les babouins? Qui les babouins? T'as vu, c'est le jour de gloire où les pauvres et les esclaves ont pris le pouvoir. Attends, attends, attends, attends, c'est mieux juste à lire. Un peu de savoir, c'est ça, mon sang est juste impur. C'est la révolte, menaçant comme l'Irak et le Pakistan. Une hyène, c'est pas un animal qui se rend. Aux armes, c'était une hyène. On viendra avec nos gueules cassées, braquer des Cayennes, nous. On siffle la Marseillaise, 2009, 200 mêlés, c'est la Marseillaise. Mais relève donc que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. Relève donc que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. C'est les yens, chante la Marseillaise. On ne plaît rien, nous. On a porté le deuil d'une génération poussée à la faute, coupable de par sa couleur de peau. On n'est plus rien, nous. Si on étouffe avec le cordon colonial qui nourrit le drapeau tricolore, on s'en prend, nous. Mon histoire braquée à la tempe, histoire que personne l'entende, de fait condamné au silence. Nous, on lâche rien, nous. Réclame le droit à la reconnaissance. Comme un enfant illégitime sort d'un passé troublant et explose à la face du monde comme la mazarine. D'origine sarrasine, allergique à leur bleu marine. Armée portant la douleur des nôtres, que la mémoire se rappelle. Que nos entrailles ont fait la richesse des autres, notamment celle de la belle. Salope précieuse de morale, la mort non la trinque sec dans ma chorale. Levez la tête enfant de la fratrie, le temps que Marianne nous digère qu'elle endure et crache du sucastrique. Mais relève donc que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. Relève donc que la tête pour l'enfer, que la patrie a peu d'espoir dans l'histoire, mais que de la rage dans l'esprit. C'est les yens, chante la Marseillaise.